Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices. Merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le parti Sarwanyafo Debou déplore qu'il s'observe encore le détournement des biens publics. Il souhaite que des conditions sévères soient infligées aux personnes accusées de détournement. Et 2 personnes sont mortes et 18 autres blessées suite à l'effondrement d'une église qui serait causée par de fortes pluies. Mêlées de vents violents sur la colline Kinyana de la commune et province Ngodi, c'était ce dimanche. Vous aurez les détails à suivre également dans cette édition, la chronique nutrition. On vous parlera des bienfaits de la noix de macadamia. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabilé. Chancela Mugisha Wiman assure la mise en onde. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour ouvrir cette édition. Le parti Sarwanyafo Debou déplore qu'il s'observe encore le détournement des biens publics et l'exclusion de certains partis politiques dans la gestion du pays. Phénias Nigaba, vice-président de ce parti, souhaite que des sanctions sévères soient infligées aux personnes accusées de détournement de biens publics. C'était ce samedi lors d'une réunion avec les membres du parti en mairie de Bujumbura. Suivez Phénias Nigaba, il est au micro de Jean-Marie Mayonga. Actuellement, nous voyons que le défi majeur, c'est un défi à rapport avec la bonne gouvernance. Actuellement, nous voyons qu'il y a vraiment une mauvaise gouvernance. Nous voyons qu'il y a le détournement des deniers publics. Il y a une mauvaise gouvernance politique parce qu'il y a une exclusion de certains partis politiques dans la gestion du pays. En d'autres termes, nous voyons que même la justice actuellement travaille très mal. Même le chef de l'État le dit chaque fois. Et ce qui est très malheureux, c'est que même si on continue à dire que la justice travaille très mal, il n'y a pas de changement. Le parti Sarwanyafo Debou maintenant a proposé quelques pistes de solutions. Au niveau des personnes qui détournent les biens publics, nous demandons qu'il y ait des mesures draconiennes pour punir très sévèrement toute personne qui détourne les deniers publics. Parce que cet argent, ce n'est pas l'argent pour quelques personnes, c'est l'argent de toute la population. Même si ces gens sont pris, il faut qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont détourné. Parce que nous voyons qu'actuellement, on dit que les gens ont détourné de l'argent, ils sont emprisonnés et l'argent continue à, disons, à générer des profits pour leur intérêt en étant en prison. Nous voudrions est-ce que l'argent soit retourné dans les caisses de l'État. L'association qui milite pour la défense des droits humains, formation pour le développement et la promotion des droits humains, estime qu'il s'observe de l'intolérance politique au Burundi. Dans un communiqué de presse sorti en marge de la célébration de son premier anniversaire ce vendredi, Séverin Bagolikunda, vice-président de cette association, se dit en outre préoccupé par des conditions de vie socio-économiques qu'il qualifie de dégradantes. On l'écoute. Ces derniers jours, la FDPH Mutabazi constate avec regret la recrudescence des actes de violation des droits humains. Il s'agit des actes d'intolérance politique entre les partis politiques, des emprisonnements abusifs. Des enquêtes sérieuses ne sont pas menées pour en connaître les mobiles et les auteurs. Et quand bien même elles sont amorcées, on ne sait jamais leurs aboutissements. Par conséquent, les auteurs de ces actes ne sont jamais inquiétés. L'inertie des autorités policières, judiciaires et administratives devient alors très inquiétante. L'association FDPDH Mutabazi est également préoccupée par les conditions de vie socio-économiques qui se dégradent du jour au lendemain pour les citoyens. L'eau et l'électricité manquent dans certains endroits. Les routes deviennent de plus en plus impraticables. La pénurie de certains produits, carburant, sucre, perdure. Les prix des produits vivriers de première nécessité ne cessent de grimper, entraînant une diminution des pouvoirs d'achat. 2 personnes sont mortes et 18 autres blessées suite à une église qui s'est effondrée. C'était ce dimanche sur la colline Kinyana de la commune et province Ngozi, tout près du cimetière Buhiga. Selon la police, l'écroulement de cette église pentecôtiste serait causé par de fortes pluies mêlées de vents violents qui tombaient à cet instant. La population, la police, l'administration et la Croix-Rouge sont venus au secours très rapidement. Les blessés ont été vite évacués vers l'hôpital de référence de Ngozi et les disparus à la morgue de ce même hôpital. Après une courte pause, on continue cette édition dans la province de Bubanza. n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également les jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, la population de la province de Bubanza se plaigne de la rareté des billets de 100 et 500 francs burundais dans la circulation. Ils indiquent que ceux disponibles sont très usés. Les commerçants expliquent que cela leur pose problème lors d'effectuer des échanges. À la Banque de la République du Burundi, l'on demande à ces commerçants d'utiliser aussi d'autres billets et pièces disponibles dans les microfinances des banques. Spers Caritas Kabanyana depuis Bubanza. C'est un commerçant rencontré au marché de Moussegni en commune Manda qui se lamente en disant que les billets de 100 francs et de 500 francs sont très rares sur les marchés. Les commerçants rencontrés dans cette localité déplorent le fait que même les billets disponibles sont très usés, ce qui cause quelquefois des malentendus entre les acheteurs et les vendeurs, car les acheteurs n'acceptent pas les billets usés et partiellement déchirés. Ils disent que les produits ne sont pas vendus comme il le fallait suite au manque de billets d'échange de 100 francs et de 500. Et il demande à la Banque de la République du Burundi, BRB, de résoudre ce problème dans l'intérêt de la population en général et des commerçants en particulier. À la BRB, on recommande à la population et aux commerçants d'utiliser aussi, à côté de ces billets de 100 francs et de 500, d'autres billets de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 et les pièces de 50 francs qui sont disponibles dans les banques et dans les microfinances proches. Selon Bellarmé Bacinoni, chargé de la communication à la BRB, Spescaritas Kabanyana à Moussegni en commune Manda pour la radio Isanganiro. Merci Spes. Les administrateurs communaux en province de Kayanza demandent aux chargés de l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire en AGESA de corriger les irrégularités qui ont caractérisé l'année passée dans le travail de collecte des grains de maïs des agriculteurs. Ils donnent l'exemple de l'indisponibilité des sacs de stockage et des collecteurs qui enregistraient une quantité de grains de maïs supérieure à celle collectée. Les Michichai, gouverneur de la province de Kayanza, lui, de son côté, demande aux administrateurs communaux de donner aux agriculteurs vendeurs du maïs des jetons qui leur permettront d'acheter ces produits en premier. Ce sont certaines des recommandations émises lors d'une réunion de ce samedi avec le gouverneur de la province et les chargés de la collecte de ces grains de maïs dans cette localité. Patrick Nsengiyumba. Dans cette réunion qui a rencontré le gouverneur de la province Kayanza et tous ceux qui seront chargés de collecter les grains de maïs des agriculteurs depuis ce lundi, plus d'un parmi les administrateurs communaux à Kayanza ont demandé à ce que les irrégularités qui ont caractérisé cette activité l'année passée soient corrigées. Là, ils ont donné l'exemple du manque de matériel sur tous les sacs et les collecteurs qui trichaient en enregistrant la quantité supérieure à celle collectée et ce dans le but de voler de l'argent. À toutes ces questions-là, Rémi Chicha, le gouverneur de la province Kayanza, a appelé l'Agence nationale de gestion du stock et de la sécurité alimentaire à corriger toutes ces irrégularités afin que cette activité de la collecte et de la production des agriculteurs puisse se faire dans de bonnes conditions. Dans cette réunion de ce samedi, Rémi Chichayo a également demandé aux administrateurs communaux de bien veiller à l'état des hangars, c'est-à-dire vérifier qu'ils remplissent les conditions d'accueil et de la production des agriculteurs. Le gouverneur de la province Kayanza a également exhorté que les agriculteurs qui vendront leur production au hangar de stockage, qu'on leur donne des jetons qu'ils présentent quand ces grains de maïs seront vendus par le gouvernement burundais afin qu'ils soient les premiers à en bénéficier. Cette activité de la collecte des grains de maïs récoltés pendant la saison culturelle C commence ce lundi, comme dernièrement annoncé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi, on va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. De Kayanza, rendons-nous en province de Gitega où certains habitants trouvent que pour prévenir les conséquences liées au changement climatique, l'État devrait fixer le nombre d'enfants ne pas dépasser pour chaque couple. Selon eux, il est évident qu'un bon nombre de boisements ont été détruits et remplacés par des champs de culture suite à la pression démographique. Ces habitants trouvent également que l'État devrait sensibiliser la population pour qu'elle plante beaucoup d'arbres. Il devrait aussi montrer aux gens les sites propices à la construction des maisons d'habitation selon les plans adaptés. Je vous propose de les écouter. Je suis habitant de Gitega et je vois que Gitega est menacé par les effets du changement climatique suite à la destruction de pas mal de boisements à la recherche des terres cultivables pour semer les lésines et les bananeraies. Et ainsi, les boisements sont remplacés par les champs de culture. Tout ça, c'est suite à la démographie galopante. Donc, je propose à l'État de fixer le nombre d'enfants à ne pas dépasser pour chaque couple, que ce soit 3 enfants ou je ne sais pas combien, pourvu que ce soit une loi. L'État augmenterait aussi l'âge de se marier afin qu'un jeune homme de 21-22 ans ne fonde pas son foyer. Comme ça, le taux de croissance des Burundais diminuerait et consécutivement la pression démographique diminuerait aussi. L'État exhorterait la population à planter beaucoup d'arbres sur les collines et à creuser les courbes de niveau et planter les haies anti-érosives et ainsi les cas d'éboulement des sols seraient réduits. Donc, ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est surtout un renforcement des capacités à la matière d'aménagement des pépinières, de chercher des semences bien sélectionnées pour l'aménagement des pépinières, afin de pouvoir bien aménager des pépinières, dans le but d'avoir des plants pour pouvoir les planter dans les champs de culture. La population a besoin des arbres pour pouvoir les planter d'ici les montagnes, parce que les arbres déjà plantés sont investisseurs pour le moment et ont besoin d'être remplacés par de nouvelles variétés afin de pouvoir résister à l'érosion mais aussi à un environnement sain. Il en est aussi de même pour les haies anti-érosives. L'État peut amener des variétés adaptées au sol et aussi au climat selon les milieux. L'État devrait sensibiliser la population sur le fait que quelqu'un qui se fait construire une maison creuse en puisard et songe au type de toiture, que ce soit la toiture cachée ou apparente, mais selon le milieu. L'État devrait aussi protéger les rivières, comme celles traversant les villes, en construisant des murs de protection de leurs berges. Il faudra aussi que l'État protège les berges des rivières en y faisant planter des bambous. Pour les gens victimes des conséquences du changement climatique, telles les inondations et les intempéries qui détruisent des maisons, c'est que des fois ces maisons sont construites sur des sites inadéquats, tels les flancs de montagnes et près des lacs comme Agatumba. Ainsi, via son service technique qui est le Bura, l'État devrait rendre disponibles des sites propices à la construction des maisons d'habitation. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Chronique nutrition va juste boucler cette édition. La noix de macadamia est particulièrement riche en oméga 9. Elle est bonne pour la santé cardiovasculaire, également riche en phosphore et en calcium. Elle est l'allié des enfants et des adolescents en pleine croissance. Selon Gilbert Nangoraf, chercheur nutritionniste, la noix de macadamia est riche en vitamines du groupe B qui renforcent le système immunitaire et nerveux, stimulent la croissance des cellules et maintiennent la peau et les muscles en bonne santé. Chronique nutrition sur la noix de macadamia avec Jean-Marie Mayonga. La noix de macadamia est une drupe formée d'une amande enfermée dans une coque ronde. Selon Gilbert Nangwafi, chercheur nutritionniste, la noix de macadamia est riche en vitamines du groupe B qui renforce le système immunitaire et nerveux. Grâce à sa haute teneur en acides gras comme les oméga 3, la noix aide l'organisme à se préserver des maladies. Oui, c'est que l'oléagineux contenant des vitamines comme vitamine A, vitamine E, vitamine B1, vitamine E et d'autres, ainsi que des acides gras non saturés comme les acides gras oméga 3. J'ai aussi très riche en fibres, en acides aminés, en protéines, en glucides, en acides palmitoréiques et en oligo-RMA. La noix de macadamia est considérée comme la reine des noix en Europe. La noix de macadamia améliore le taux du sucre dans le sang. C'est le JB Nangwafi et le prévient des maladies cardiovasculaires et de diabète. La noix de macadamia aide dans la réduction du cholestérol, dans l'amélioration du taux de sucre dans le sang. Elle contribue aussi à la perte de poids. Elle peut favoriser la santé intestinale. Elle peut améliorer la santé du cerveau. Les noix, à raison de les retenir élevées en acide oréique, préviennent les accidents vasculaires cérébraux, donc les AVC. Les noix contiennent également de l'acide palmitoréique, un composé de la myrine, une couche du cerveau chargée de protéger les cellules nerveuses. La noix de macadamia peut être consommée sous forme crue ou grillée, comme des arachides. Ce chercheur signale que ça peut être consommé sous forme du thé. La noix de macadamia peut se consommer de plusieurs formes, soit en salade, sous forme crue, sous forme grillée comme les arachides, sous forme du thé. On peut aussi l'utiliser sous forme d'huile, et notamment pour traiter les maladies corporelles. Elle peut également être frite et assaisonnée de sel. Si nous la consommons sous forme d'huile, nous pouvons apporter à notre organisme un pourcentage élevé de sels minéraux qui préviennent notamment contre la déshydratation. Les experts recommandent aussi de manger 10 à 10 noix de macadamia par jour, à environ 30 grammes de ce qui est suffisant pour bénéficier des bienfaits sans prendre de poids. Les noix de macadamia sont originaires de l'Australie et ont été découvertes par John Macadam en 1857 et Ferdinand von Müller en 1865. Merci Jean-Marie Mayonga et Jean-Paul Wineza pour cette chronique. Et c'est sur cette même chronique que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui l'avez écouté avec intérêt. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide. Chancela Mugisha Wiman assurait la mise en onde. Bonne soirée à toutes et à tous.